qualitative qui s'appelle l'analyse de discours, toujours en fait dans l'optique de placer les différents moyens que vous pouvez utiliser pour analyser les données que vous allez recueillir pendant vos recherches, donc pendant les mémoires que vous allez réaliser. Alors, avant de revenir sur l'entretien de recherche et de rentrer dans l'analyse de discours, je voulais faire un premier point sur les fameuses consignes du rapport du parcours que je vous ai présenté la semaine dernière rapidement et pour laquelle vous avez également en ligne un document type, en fait, qui vous sert de cadre à remplir pour répondre aux questions qu'on vous demandait. On a reçu quelques questions par mail, mais pour le bénéfice de tout le monde, en fait, j'aimerais que ceux qui ont des questions les posent maintenant et qu'on prenne le temps nécessaire, pas plus de 15 minutes, mais qu'on prenne au moins une dizaine de minutes si nécessaire, pour voir ensemble en fait ce qui soit n'est pas clair ou ce qui vous inquiète au sujet de cet exercice. Moi, en fait, quand vous dites définissez votre problématique en incluant votre question de recherche principale, vos questions spécifiques et la pertinence de la problématique, on reprend notre fiche mémoire, en fait. Oui. En fait, j'ai marqué ici un petit point sur le lien de la fiche de proposition de sujet de mémoire. Vous pouvez tout à fait reprendre ce que vous avez déjà fait dans votre proposition. L'idée, c'est que quand vous avez construit votre proposition de mémoire, soit en décembre, soit il y a quelques semaines seulement pour certains, dans certaines filières, vous n'aviez pas encore la structure attendue d'une problématique vraiment au sens officiel universitaire du terme. Donc, il est possible que vous n'ayez pas mis certains éléments ou pas détaillé certaines choses. Donc ici, en fait, dans le travail, c'est l'occasion de développer un petit peu plus et de d'étoffer en fait ce que vous aviez présenté. Et normalement aussi, depuis le moment où vous avez remis la fiche, vos idées sont peut-être un peu plus claires, donc c'est l'occasion de préciser cet aspect-là. Oui. Et quand vous dites en fait vos questions spécifiques, c'est quoi? Parce qu'on n'en a qu'une. Non, alors vous avez une question de recherche générale. Les questions spécifiques, c'est les aspects particuliers que vous comptez analyser. Si votre question générale, c'est quelles sont les stratégies utilisées par les entreprises du domaine de l'économie circulaire pour attirer de nouveaux consommateurs, de nouveaux partenaires, par exemple, vos questions spécifiques seront quel type de discours les entreprises utilisent-elles et deuxièmement, par exemple, quel type de canal de communication privilégient-elles. Donc ça veut dire que ce sera deux choix. Mais ça pourrait être quel type de partenaire choisit-elle en priorité, quel type de lieu cible-t-elle, etc. Donc il y a plusieurs sous-questions qui peuvent se poser. Vos questions spécifiques, c'est de façon plus particulière, qu'est-ce qui vous intéresse ou qu'est-ce que vous pensez avoir le temps de faire dans le parcours du mémoire. Mais vous n'avez effectivement qu'une question générale de recherche, c'est celle que vous aviez mentionnée dans la fiche ou que vous avez un peu retravaillé si vous avez évolué depuis là. Mes sous-questions, il y a commentaire. Oui, alors, effectivement, le terme contour était fait pour vous dire qu'on n'attendait pas un cadre théorique final, absolu, déjà complètement arrêté. Quand on vous dit contour, ça veut dire, dites-nous, quelle théorie principale vous pensez utiliser, ou quels auteurs principaux vous avez repérés qui ont travaillé sur des questions qui ressemblent à vos sujets et qui peuvent vous être utiles. Ça n'a pas l'air clair du tout. Pourquoi ? Mais on l'a vu, si vous revenez au cours en fait, qu'on a fait sur le cadre théorique et conceptuel, ce sont des concepts ou des théories sur lesquelles vous lisez certains auteurs. Et donc on veut voir mais quels auteurs vous privilégiez, quelle définition du concept vous privilégiez, etc. Donc un peu comment vous priorisez certains termes, certaines théories, certains angles plutôt que d'autres, par rapport à ce que vous avez vu. Donc c'est pas du tout inventé, en fait, c'est effectivement quelque chose qui ressemble à des extraits de votre revue de littérature. Et on vous demande, bien sûr, à chaque fois de justifier ce qui vous intéresse le plus par rapport à votre sujet. Il y avait... C'est une question sur les entretiens. Oui. En fait, on fait les entretiens, ensuite on va devoir les... retranscrire. On peut les faire dans la langue qu'on veut, les entretiens. Oui. D'accord. C'est juste pour savoir si la personne qui va nous corriger, elle connaît la langue. En fait, quand, par contre, votre analyse, les entretiens et le rapport en tant que tel est à rédiger en français. Mais si votre, c'est sûr que si vous avez à interroger une population qui parle de votre langue que le français, vous l'interrogez dans la langue. D'accord. Oui. Dans le livre de Seurat, elle disait faire des hypothèses, etc., pour étayer son propos. Est-ce qu'il faut remettre ça dans le travail ici à rendre ou... Il y a une section que vous allez voir dans le rapport où il est marqué d'indiquer vos hypothèses ou intuitions de recherche. Ah, okay. Donc c'est de façon très rapide, vous avez 4-5 lignes. Vous indiquez qu'est-ce que vous vous attendez à trouver. Mais vous n'avez pas, enfin, à l'heure actuelle, c'est normal que vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas fait de terrain. Donc, c'est plutôt d'après vous, en fait, un petit peu, qu'est-ce que vous attendez à trouver. Est-ce que vous avez des attentes ou est-ce que vous ne savez pas du tout. Si vous avez des attentes, quelles sont-elles. Donc, suite aux entretiens. Soit suite aux entretiens, soit les annales. Ça se peut que les entretiens changent vos intuitions, mais à ce moment-là, ça peut être intéressant de le dire, justement. Ok. Il y avait une question. Sorry. Oui. Alors, le TPM, c'est vos promoteurs qui le corrigent, donc c'est pas dans le cadre du cours, et selon les promoteurs, ça peut un peu changer, en fait, parce qu'ils peuvent avoir des priorités, enfin, juger que tel auteur, c'est mieux que vous lisiez 3 livres de tel auteur uniquement, et d'autres vont vous dire, lisez 15 articles différents. Donc, vous pouvez vérifier ça auprès de votre promoteur si vous n'avez aucune idée. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le travail? Oui. Ça veut dire, en fait, est-ce que vous, les personnes que vous avez choisies, est-ce que ce sont des experts de la question? Est-ce que ce sont des amateurs? En fait, quel est leur lien de... Quel est leur statut? C'est des directeurs, c'est des bénévoles? Et du coup, par rapport à vous, au questionnement que vous vous posez, quelle est leur place un petit peu? Et donc, quel rapport, ce qui implique aussi que potentiellement, vous allez avoir un rapport différent par rapport à elle, que ce soit justement le directeur ou le chef de mission, ou, etc. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était pour quelle question? C'est dans les interviews. Oui. Est-ce que c'est possible de faire un entretien avec une personne qu'on connaît personnellement, mais qui serait... Oui, du moment qu'il y a une pertinence, parce que vous savez qu'elle pratique telle activité, qu'elle est passionnée de quelque chose, ou au contraire, qu'elle refuse telle chose ou qu'elle est tel truc auquel vous vous intéressez, oui. Oui. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, vous avez mis sur un groupe Facebook une annonce qui dit « Bonjour, je cherche des personnes qui seraient... disponible et intéressé à participer, ou est-ce que vous avez mis une petite annonce dans un supermarché, ou est-ce que vous avez, à la sortie de la cafétéria universitaire, sollicité les personnes. Donc c'est comment vous y êtes pris pour inviter les gens en fait à vos annonces. Oui, vous pouvez. Oui. Oui. Pardon ? Oui, vous pouvez si vous avez téléphoné, vous pouvez également mentionner quel type d'information vous avez donné. Comme ça, vous êtes présenté en tant qu'étudiant qui doit réaliser une recherche et vous avez dit que votre sujet c'était ça. Vous pouvez dire en fait quel type d'information vous avez donné aux personnes que vous avez contactées. Pour voir un peu dans quel contexte eux, après ça, ils vous ont rencontré. D'accord ? Il y avait deux questions là-bas, ensuite ici. Oui. Est-ce qu'on commence déjà à rédiger en nous ou est-ce que... Est-ce que vous commencez déjà à rédiger hein? Nous. Parce que pour la mémoire, je sais. Vous pouvez commencer à vous entraîner avec le « nous » universitaire. Nous avons été particulièrement intéressés, et eux, ou... Oui. Vous avez mis des lignes qui nous limitent un peu dans le travail. Est-ce que c'est grâce si on dépasse un peu, ou si on fait un peu moins ou si... En fait, l'idée, c'est de respecter à peu près cette taille-là. Donc, c'est plus une limite de... pour pas que vous en fassiez trop. Donc c'est bien de vous dire qu'on n'attend pas 10 pages de 4 théories, quoi. C'est vraiment ces 2 pages maximum. Voilà. Si vous avez vraiment beaucoup de choses à dire, vous pouvez toujours un peu essayer de réduire ou quoi, mais ça veut aussi dire qu'on n'attend pas un travail super étoffé. L'objectif de ce travail, c'est vraiment de voir la cohérence que vous allez établir entre les questions que vous vous posez, les auteurs que vous avez commencé à identifier, les concepts aussi que vous avez identifiés, et après ça, l'exercice de l'entretien. D'accord ? Mais c'est plus ça qui nous intéresse, en fait, et aussi comment vous justifiez vos choix. Parce que justifier les choix, c'est la clé, le travail de méthodologie par excellence. Ça veut dire, j'ai fait ça plutôt que ça, j'ai choisi telle personne plutôt que telle autre, parce que je me pose telle question. Oui, ici, là-bas. Oui. Ah, c'était que si vous aviez diffusé un appel à participation, vous pouvez effectivement reproduire le texte que vous aviez rédigé. L'idée, c'est que si après ça, vous avez à vous en resservir dans votre mémoire ou pour votre TPM, vous pouvez également vous en resservir. Oui. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Vous n'avez pas du tout à chercher à aller interviewer la personne qui a publié un livre sur tel sujet, le président du comité olympique ou le premier ministre, etc. C'est vous travaillez sur un sujet, on vous donne tant de temps pour aller explorer le questionnement que vous posez. Donc, justement, des personnes qui sont un peu connexes, qui vont avoir peut-être un intérêt, qui peuvent vous renseigner sur certaines perceptions, c'est tout à fait pertinent. Donc, les personnes, en fait, quand on parle d'entretien de recherche et quand on fait des entretiens de recherche, tout individu est potentiellement intéressant, en fait, peu importe son statut social. C'est vraiment par rapport à vous, votre questionnement et aux questions que vous voulez aller poser, la pertinence de cette personne-là qui est importante. Peut-être que vous avez déjà répondu, est-ce qu'on peut faire des entretiens par à distance, par mail Par Skype. Il faut qu'il y ait un enregistrement ou ça peut être... Oui. L'enregistrement, il ne faut pas vérifier non plus. La moyenne pour les questions, c'est combien, plus ou moins, pour une bonne interview? Pour le guide d'entretien? Oui. En fait, ça dépend de vos... des dimensions que vous allez aborder, donc du nombre de concepts qu'il y a dans votre question. Mais mettons, vous pouvez vous caler sur 3 thèmes, 4 thèmes, peut-être maximum, et prendre au total 9 peut-être questions, gros maximum. Mais si vous avez 5 questions, ça peut permettre de faire parler la personne déjà. C'est prévoyez des questions un peu de rechange. Si en cours de route, vous voyez que ça ne marche pas. D'accord ? Mais c'est pas... Sylvie l'a mentionné la semaine dernière, et vous allez le voir davantage après ça, le 18 mars, mais ce n'est pas un exercice de questionnaire, ce n'est pas un sondage. Donc c'est pas... on ne cherche pas, en fait, à poser toutes les questions sur un sujet avec la personne qui nous dirait oui, non, pour valider des choses. C'est vraiment à partir d'une question, on laisse parler la personne. Et à la limite, peu importe si on ne pose pas toutes nos questions, ce qui est important, c'est que la thématique soit couverte par la personne et que ça nous apporte de l'information. Et c'est vraiment, rappelez-vous, c'est l'enquêter, l'interviewer, en fait, qui nourrit l'exercice. C'est pas vous qui, l'alimentez de questions. Oui ? Oui ? Non. En fait, vous partez, faites un guide d'entretien général. Et après ça, justement, l'un des intérêts de l'exercice, c'est de montrer comment peut-être vous allez avoir adapté vos questions, vos relances, votre ordre de questions selon les personnes. Mais partez d'un même guide principal. Je prends une dernière question s'il y en a une, et après ça, on rentre dans l'entretien. Oui. Non, en fait, l'exercice pratique, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites, et par contre, il va y avoir un retour sur les entretiens plus tard, en fait, dans le quadrimestre, où là, vous allez faire comme, en fait, exercice, et vous allez utiliser le matériel que vous avez, les difficultés ou les trucs que vous avez trouvés pendant les entretiens pour faire un exercice d'analyse critique, en fait, de ce que vous avez, tous produit. Mais c'est pour ça que ce qu'on juge, c'est pas la qualité de vos entretiens, c'est pas vous avez fait un bon ou un mauvais entretien. C'est vraiment la cohérence de votre sujet. Donc c'est vraiment les premières séances, en fait, du cours. Mademoiselle, est-ce que c'est possible ? Merci. Donc c'est vraiment les premières séances du cours, en fait, qu'on veut vous voir mobiliser. Puis c'est pas ce que vous faites bien ou mal, c'est vraiment plutôt comment vous essayez de vous approprier ça, de faire coller ça à vos sujets. Donc, si vous avez d'autres questions plus spécifiques ou autres, vous pouvez nous écrire notamment à Cassandre et moi par mail. Et sinon, on va embarquer dans la suite justement de l'entretien de recherche pour voir un peu plus précisément comment vous y prendre, justement quels sont peut-être les trucs que vous pouvez utiliser pour faire en sorte que l'entretien se passe bien et pour respecter la personne que vous allez interviewer. Et une fois encore, dites-vous que toute personne est potentiellement susceptible de vous fournir de l'information intéressante. Et on sait très bien, on ne vous demande pas de faire votre mémoire, ni de vous forcer à faire des entretiens si ce n'est pas ce que vous allez faire. C'est vraiment explorer votre problématique, d'accord ? Donc, vous ne fixez pas d'objectif d'atteindre quelqu'un qu'en 3 semaines, vous savez que ce n'est peut-être pas possible. Sylvie, si tu veux prendre la parole, en fait, Sylvie a intervenu sur, vous vous rappelez la dernière fois, il y avait les dernières diapositives, mais j'avais laissé de côté pour qu'on puisse parler justement des consignes du travail. Donc Sylvie, qui est en particulier spécialiste des méthodes qualitatives, notamment de l'entretien de recherche, va vous présenter cette suite pour vous aider à réaliser vos entretiens. Et en deuxième partie du cours, moi je prendrai le relais pour aborder l'analyse de discours, qui est un autre type complètement de technique qualitative. Donc je passe la parole à Sylvie, qui en particulier va faire un point sur ce que l'on appelle les relances, qui servent en fait, qui est vraiment une technique d'entretien particulière. Merci. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Voilà, vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous avait présenté un petit peu l'utilité d'avoir un guide d'entretien au niveau de la préparation de votre enquête, au niveau de la réalisation de l'entretien et puis au niveau de l'analyse. Alors maintenant, j'aborde vraiment la suite de cette question. Il y a aussi un ensemble de questions qu'on pose dans un entretien au moment même de cette rencontre, de cette interaction, de cette rencontre en face à face, qui sont des questions qu'on n'avait pas fondamentalement prévues, d'accord, mais qui permettent de s'assurer d'avoir un entretien de meilleure qualité. J'avais aussi parlé des critères de qualité la semaine dernière, vous vous souvenez, critères de validité, de fiabilité, de richesse, de pertinence, d'accord. Et donc, en fait, les relances, c'est en fait toutes les interventions verbales que vous allez être amené à énoncer, à prononcer en situation d'entretien en face à face. D'accord ? C'est donc vraiment des techniques. En fait, on utilise des relances dans le langage courant aussi, hein, régulièrement, pour demander à son interlocuteur de préciser sa pensée, d'aller plus loin, pour s'assurer qu'on a bien compris, eh bien, dans l'entretien, c'est un petit peu la même chose. Les relances font donc vraiment partie des techniques langagières qui permettent de suivre un enquêté, de suivre le discours et de continuer à permettre de co-construire le discours qui va être énoncé. D'accord ? Et donc c'est une technique, on parle aussi d'écoute active, on parle aussi de il y a aussi des relances qui se fondent sur des interventions non verbales, par exemple un mm-hmm. Ça peut être une forme de relance aussi qui montre à son interlocuteur qu'on le suit, qu'on est toujours là, qu'on ne l'a pas perdu, d'accord, et qu'on le laisse poursuivre, d'accord. Ça se fait même au téléphone, d'accord. Les silences, ça fait aussi partie, c'est évidemment pas un énoncé langagier par définition, un silence c'est un silence, mais un silence ça peut aussi. Quand il est, si vous voyez que votre interlocuteur est, est pris par une émotion, par exemple, ou a besoin de temps pour réfléchir, c'est important de laisser ce temps au silence, montrer que vous êtes disponible, que vous attendez, que vous prenez le temps d'écouter et de lui permettre de formuler ce qu'il a à vous formuler. Okay ? Si dès que votre interlocuteur se perd un peu ou se hésite, se tait, tout de suite vous passez à la question suivante, vous risquez souvent de perdre en profondeur, vous risquez d'introduire une espèce de stress, et donc le silence est vraiment important aussi dans l'entretien. Donc voilà, les relances, ça permet de suivre, c'est-à-dire d'accompagner le déploiement du récit de votre interlocuteur, hein, le déploiement de son récit, le déploiement de ses opinions, hein, qui parle finalement de ses pratiques, de ses représentations. Alors, Barbeau nous dit « Suivre l'enquêté, c'est s'attacher à comprendre les éléments qu'il trouve pertinents pour donner du sens à une situation, interpréter des événements et formuler des attentes. » Alors, en fait, les relances, ça suppose de votre part, de la part de la personne qui interroge, vraiment une qualité d'ouverture, un degré d'ouverture, c'est vous traduisez par les relances la manière dont vous comprenez votre interlocuteur, dont vous interprétez ses propos, dont vous écoutez ce qu'il a à vous dire. Ce qui fait que il faut pas non plus relancer trop vite des questions lorsqu'un interlocuteur s'exprime, il s'agit de le laisser un petit peu s'éloigner du sujet, digresser, il faut le laisser parler en fait. Mais par moments, si on s'éloigne trop, évidemment, il s'agit de recentrer, de revenir sur le cœur de votre questionnement, au risque sinon, de, comme je vous le disais, de perdre en fluidité, c'est-à-dire que votre interlocuteur finisse par ne plus parler de ce qui vous intéresse. Il s'agit donc de ne pas recadrer trop hâtivement les propos de son interlocuteur, sinon on risquerait de perdre des éléments pertinents. Donc vraiment, les relances, elles portent sur le discours de votre interlocuteur et elles s'inscrivent vraiment dans ce fil-là. Et donc la définition d'une relance, c'est une intervention de l'enquêteur qui est une paraphrase ou un commentaire de l'énoncé précédent de l'interviewé. Alors, à quoi elle sert ? Voilà, elle sert à explorer plus en profondeur les propos de votre interlocuteur. Hein. Imaginons qu'il soit en train de vous exprimer une idée relativement complexe, mais vous avez l'impression qu'il ne va pas au bout des choses. Eh bien, vous pouvez, en répétant certains mots, en lui demandant de compléter, l'amener à explorer plus en profondeur. Ça permet aussi d'insister sur certains aspects dont une personne ne parlerait pas spontanément. Vous pouvez très bien, dans le cours du récit, par exemple, vous vous attendiez à ce que votre interlocuteur vous raconte une pratique bien particulière, qu'il connaît bien, et puis il a l'air de l'omettre ou il n'en parle pas. Alors, à vous de dire, tiens, au fond, vous ne parlez pas de cela, est-ce que ça vous concerne ou pas ? Donc, vous voyez, toutes ces relances, c'est en fait vraiment cette possibilité de faire construire un discours plus complet, plus cohérent. Ça permet de recentrer le discours, de faire compléter, préciser, synthétiser les choses. Et ce qui est important avec ces relances, en fait, c'est que véritablement vous précisez au fur et à mesure du discours vos intentions quant à ce que vous souhaitez connaître. Parfois, on formule une consigne qui n'est pas toujours suffisamment claire, suffisamment précise, et les relances permettent vraiment de faire comprendre à votre interlocuteur le sens que vous attendez, quel type de propos vous attendez de lui. D'accord ? Et donc, voilà, ces relances, je veux dire que elles jouent un rôle vraiment fondamental dans l'entretien, dans l'échange, dans ce moment de face à face. Donc, n'hésitez pas à vous permettre ces relances, mais attention aux effets qu'elles suscitent. C'est-à-dire, par exemple, trop de relances, si dès que votre interlocuteur exprime une idée, vous l'interrompez pour l'amener à approfondir, ça risque de sembler un peu inquisiteur, ça risque d'être même un peu pesant, à la limite de susciter une réaction de défense chez votre interlocuteur. Hein. Donc, les relances sont à utiliser avec intelligence, avec parcimonie. Une bonne relance au bon moment, c'est tout à fait utile, mais une relance qui serait un peu en décalage, évidemment, risque de susciter un effet indésirable. Voilà, donc, on a des techniques... Non, mais je crois qu'on les a pas là. Tiens, j'avais pas mis ça. Non, c'est pas grave. Voilà, donc, il existe un ensemble de relances qui sont détaillées dans certaines références bibliographiques dont on vous a parlé, notamment le bouquin de Blanchet sur l'entretien. Ces relances, je peux vous en donner quelques exemples. Bon, il y a différentes manières d'en parler, différentes manières de les nommer, de les désigner. Un premier type de relance, c'est ce qu'on appelle la répétition en écho. C'est simplement répéter le dernier mot que votre interlocuteur vous a dit. Par exemple, il vous exprime une idée, puis il reste un petit peu suspendu sur un mot. Eh bien, voilà, pour l'amener à continuer, vous répétez le dernier mot qu'il a énoncé. Par exemple, il vous dit, vous décrivez une situation de travail, l'introduction de nouvelles technologies dans le milieu du travail. Imaginons qu'il vous dise, cette situation était vraiment difficile. Puis, blanc. Alors voilà, une relance, hein, encourage un peu à poursuivre, c'est répéter... difficile, vous voyez, vous amenez votre interlocuteur, vous soutenez son discours, vous l'amenez à poursuivre ses propos. C'est ce qu'on appelle une répétition en écho. Okay, c'est un peu perroquet. Alors, un autre type de relance, c'est ce qu'on appelle le reflet personnalisé. C'est en fait un questionnement sur les termes qui sont utilisés par l'interlocuteur. Si je reprends le même exemple, votre interlocuteur vous dit « cette situation était un peu difficile ». Vous voyez, l'idée n'est pas de l'amener à poursuivre sur ce « difficile », qu'est-ce que ça signifie. Vous faites toute une phrase et vous dites « vous trouvez que c'était difficile ». Ça l'amène, pas à continuer, mais à préciser en quoi, à préciser son propos, à préciser en quoi cela pouvait être difficile pour vous. Vous voyez ? Évidemment, on n'est pas tout le temps en train de réfléchir à tout ça. C'est vraiment, ça s'inscrit dans le cours du dialogue. Hein. Mais c'est important de réaliser le type de relance qu'on a à sa disposition et aussi les effets que ce type de relance peuvent susciter dans le discours. Alors, un autre type de relance, ce sont les reformulations, les déclarations. Hein, ce qui est approprié pour signifier à votre interlocuteur ce que vous avez compris de ce qu'il vous a dit. Par exemple, voilà, votre interlocuteur vous raconte des événements, des techniques, des pratiques, etc. Vous lui dites, voilà, si je comprends bien, vous me dites que ceci, donc vous me signifiez que, voilà, vous invitez alors votre interlocuteur à produire un discours plus complet et plus cohérent. D'accord ? Il s'agit évidemment de la manière dont vous synthétisez ces propos, soit juste par rapport à ce qu'il vous a dit. Maintenant, il va peut-être vous dire, oui, au fond, je vous dis ça, mais j'oublie une autre idée importante. Vous voyez, tout ça, ça permet vraiment de produire un discours plus riche, plus complet, plus cohérent. Alors, au niveau du langage, c'est assez important d'essayer Je vous avais déjà parlé un petit peu de l'effet caméléon la semaine dernière. Au niveau du langage, c'est important d'assez vite reprendre les termes que votre interlocuteur utilise pour diminuer cette distance sociale, justement, qui parfois, imaginez que vous êtes un étudiant, vous avez interrogé un directeur de rédaction, peut-être vous vous sentez un petit peu mal à l'aise, mais le fait assez rapidement d'utiliser les termes que votre interlocuteur utilise, ça permet parfois de rééquilibrer un petit peu le rapport de force. Donc éviter d'utiliser votre propre jargon, ça on l'a déjà dit, des concepts abstraits. Essayez d'adapter un langage, je dirais, un style de langage assez proche de celui de votre interlocuteur. Ok, tout ça pour diminuer cette distance sociale. Alors, un autre type d'intervention, de relance, c'est ce qu'on appelle l'intervention miroir. Et là, simplement, c'est une relance qui s'appuie sur une information non verbale de votre interlocuteur. Imaginez, il vous raconte beaucoup de choses, et puis tout à coup, vous voyez qu'il a une émotion, vous voyez qu'il s'énerve, vous voyez ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il exprime physiquement, il exprime un malaise, un énervement, une déception, un ennui, une émotion. Il faut tenir compte aussi, c'est important d'être attentif au langage non verbal de votre interlocuteur. Alors, une intervention miroir, c'est de dire, je vois que vous vous énervez quand vous dites ça, ça signifie que c'est une situation qui ne vous convient pas, ou je vois que vous avez une certaine émotion. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Vous voyez, donc vraiment utiliser tous les ressorts du face-à-face, de l'échange, de l'interaction, chaque fois, pour autant évidemment que ce soit pertinent par rapport aux objectifs, ça c'est une règle de base. Si vous vous rendez compte aussi dans l'échange que votre interlocuteur a l'air d'en avoir marre de l'entretien, ou a l'air de se lasser, ça arrive, à vous éventuellement de dire je vais peut-être plus être très long, ou bien si vous souhaitez, je crois que ça vous prend un petit peu de temps, peut-être venir aux questions principales, vous voyez. Donc, essayez chaque fois de s'adapter à son interlocuteur pour, je dirais, maximiser les conditions favorables pour qu'un entretien se passe le mieux possible. Ça va ? Donc il existe vraiment un ensemble de techniques qui permettent, au-delà des consignes, d'enrichir les propos d'un interlocuteur. Voilà. Alors maintenant, la qualité des questions, je pense qu'on avait déjà un petit peu abordé ce sujet. Un principe général, comme c'est indiqué sur la DIA, c'est un peu basique. C'est une question qui pose un problème de compréhension et une mauvaise question. Et je vous avais suggéré la semaine dernière d'éventuellement tester certaines de vos questions auprès de vos proches, vos amis, vos parents, vos copains, vos copines. Ça permet parfois de voir la tête que vos questions peuvent susciter chez un guidam, chez même quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement bien le sujet. Si votre question est incompréhensible, on suscite le rire, il y a fort à penser qu'il s'agirait de la reformuler. D'accord ? Donc les conditions minimales pour que les questions soient formulées convenablement, c'est bien un vocabulaire simple, assez concret. Il faut vraiment éviter les concepts, avoir des questions plus axées sur les pratiques des gens, ne traiter qu'un problème par question, vous n'avez pas demandé, et ça, ok, une chose à la fois. Le guide est là pour justement serrer les thèmes et les sous-thèmes, éviter les formulations négatives, ne pensez-vous pas que, au fond, essayez d'être le plus direct possible. Une formulation qui n'induit pas une réponse, bien entendu, justement le « ne pensez-vous pas que », ça c'est bien clair que c'est une question objective, à éviter, être attentif au registre langagier de l'interlocuteur, ça je viens d'en parler dans les relances. Attention au sens des mots. On se rend compte parfois quand on utilise certains termes qu'en fait ils n'ont pas la même signification pour l'un et pour l'autre. Donc ça peut valoir la peine de dénoncer une relance pour dire au fond quand vous dites ça, est-ce qu'on est d'accord sur le sens des mots. Mais donc soyez attentifs à ça. Et de manière générale, mais ça c'était même par rapport à la manière d'orienter un guide d'entretien, poser davantage de questions au sujet des comment plutôt que des pourquoi. Vous vous souvenez pourquoi c'est le cas? C'est que quand on demande aux gens pourquoi, ils vous énoncent, je dirais, des raisons rationnelles qui sont parfois des raisons qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité, mais qui sont des raisons, par exemple, socialement acceptables. D'accord ? Donc, essayez plutôt d'amener vos interlocuteurs à vous expliquer des processus que vous donnez des raisons. Et enfin, évitez des questions chargées de trop d'affectivité, hein, de jugements moraux, de valeurs. Faites attention aux mots. Aux mots un peu valises, comme ça, les mots qu'on utilise tout le temps, mais qui finalement ne veulent plus dire grand-chose. Il y avait l'exemple là, mixité sociale. Là, ce sont des termes à éviter, en tout cas, tant qu'on n'a pas un accord sur la définition commune entre interlocuteurs. Voilà, donc les quelques points principaux qu'on voulait encore ajouter pour aborder ces entretiens. Voilà. Alors pour conclure, pardon. Ah mais ça. Alors juste pour prendre le relais et dans l'idée de faire un peu la synthèse de ce qui est vraiment important à retenir dans l'exercice de l'entretien, là Sylvie donc vous a vraiment parlé de certaines techniques particulières, parlé un petit peu de l'état d'esprit dans lequel il faut être. Ce que vous devez donc concevoir, c'est que l'entretien de recherche, c'est vraiment un exercice de mise en situation, de communication interpersonnelle, donc entre vous et un interviewé. C'est l'une des techniques donc, où vous allez être le plus près d'une personne. On va voir que l'analyse de discours, par exemple, elle pose une technique complètement différente. Donc, également, ça Sylvie l'avait mentionné la dernière fois, mais quand vous êtes dans un entretien de recherche, oui, vous parlez avec une personne, mais ce n'est pas une discussion. Donc, autrement dit, même si à un moment donné, il y a une certaine complicité qui s'établit, ou etc., c'est une mise en situation que vous avez créée dans l'objectif de recueillir de l'information qui concerne des croyances, des valeurs, des représentations que l'enquêté a ou qu'elle pense être valable. Donc la situation de communication, ce n'est pas une situation neutre dans la perspective où c'est vous qui l'avez initiée et qu'elle a un objectif qui est celui de répondre à des questions de recherche. On peut distinguer, en fait, et vous avez à gérer dans cette situation de communication, trois parties qui sont ce qu'on appelle la phase d'entame, c'est-à-dire le moment où vous vous présentez, vous donnez les consignes. Donc généralement, vous avez déjà recruté la personne, vous êtes assise avec la personne dans une salle de classe ou un café tranquille, etc. Et là, vous répétez le voilà, je m'appelle X ou Y, comme je vous l'ai dit, je réalise un travail de mémoire sur tel sujet et je m'intéresse aux motivations des internautes pour faire ceci, cela, etc. Donc aujourd'hui, si je m'entretiens avec vous, c'est justement pour en apprendre plus sur ce que vous en pensez. Et là, donc vous donnez un indice un peu à la personne sur le thème dont vous allez lui parler. Il y a, donc au début, généralement, on est dans une approche un peu large du thème de, par exemple, si vous parlez, si vous avez un sujet, là j'ai utilisé le terme internaute, vous allez peut-être parler de Internet en général, ou plutôt des médias sociaux, ou plutôt des forums, ou plutôt des sites web, ou du nombre de personnes qui utilisent Internet sur leur téléphone, etc. Donc en fait, vous allez un peu tourner autour de votre sujet, et au début, généralement, il y a une sorte un peu de timidité ou de tension, ce qui fait que, et même pour l'interviewer aussi, ce qui fait que généralement, on a quelques minutes un peu de banalité, où il faut un peu casser la glace. Ensuite vient Ça, c'est les 5-10 premières minutes. En général, c'est les 3-5 premières minutes qui sont un peu comme ça. Ensuite vient vraiment la phase de ce que l'on appelle le discours recherche, c'est-à-dire le moment où vous êtes la personne, en fait, vous avez amené vraiment à aborder davantage le thème de façon plus précise. Et là, vous êtes vraiment au cœur de ces représentations, ces croyances. Elle vous raconte comment se passe son quotidien, elle vous raconte des anecdotes. Donc, elle commence vraiment, en fait, à documenter votre sujet. Et c'est là qu'elle se confie, en fait. Et elle se confie en fonction d'un certain objectif de recherche. On y reviendra après, mais comme l'a dit Sylvie, en fait, les relances dont elle parlait, ça va aussi avec l'ensemble de techniques où vous devez un peu recentrer parfois la personne pour que justement elle reste un peu dans votre thème, même si c'est elle qui a la liberté également de se confier dans la mesure où elle le veut. Et puis il y a une troisième phase dans l'entretien de recherche qui est celle de l'épuisement du sujet. Alors c'est autant l'épuisement du sujet, le sujet qui est l'enquêté, sujet individu personne, qui commence à fatiguer un peu, que l'épuisement aussi du sujet, c'est-à-dire qu'on commence à avoir fait le tour un peu du thème. Ça, c'est un moment qui fait en sorte que, même si vous, il vous restait, par exemple, vous aviez prévu tant de questions sur tel thème, ben, la personne, peut-être que par une anecdote justement très marquante, ou par une réponse très courte, mais qui était vraiment très significative, ben, finalement, vous avez peut-être plus besoin de poser toutes les questions que vous aviez prévues. Ou alors, vous sautez une question, vous sautez un thème, etc., et vous sentez, en gros, que l'entretien il doit finir là. Ça, ce sont des choses auxquelles vous devez aussi être particulièrement attentif. On fait pas durer. C'est pour ça que la durée de l'entretien, si on se fixe une durée un peu minimale et surtout un maximum, mais on n'étire pas l'entretien pour l'étirer. Autrement dit, pour le rapport de mi-parcours, quand on vous demande de faire des entretiens de 30 à 60 minutes, c'est un ordre d'idée. Pour pas que vous fassiez justement juste une discussion de 5 minutes avec des questions fermées. Mais ça veut aussi dire que si en 30 minutes, vous avez eu un entretien qui vous semble riche et suffisant, ben, n'étirez pas 30 minutes de plus où la personne en fait, va répéter la même chose. Et puis les relances, c'est bien, mais en fait, quand tout le monde commence vraiment à se répéter, en fait, c'est du temps perdu. Donc, si on fait un peu le bilan sur l'entretien, il y a plusieurs compétences qui sont requises. Il y a d'abord des compétences, pour résumer, qui sont d'ordre plutôt social et interpersonnel. Sylvie l'a déjà dit aussi, mais il faut faire preuve d'empathie, il faut faire preuve d'intérêt pour l'interviewer. Il faut en fait que la personne, elle vous donne de son temps et elle vous confie des choses de sa vie professionnelle, mais bref, des éléments qui sont personnels. Donc, vous avez une certaine valeur ou reconnaissance, en tout cas, à lui témoigner. Il faut être conscient que, quelque part, vous êtes un peu privilégié que d'avoir accès à cette information qu'elle vous donne. Donc ça, c'est vraiment un principe qui concerne l'interaction que vous avez avec l'interviewé. Deuxièmement, vous avez aussi des compétences techniques. C'est ce qu'a évoqué Sylvie, dans, par exemple, le fait d'utiliser un vocabulaire qui est adéquat, ne pas choquer la personne, tourner des questions de façon plutôt ouverte pour laisser parler la personne, ne pas induire des réponses, donc essayer de ne pas l'influencer ou du moins le moins possible. Et enfin, il y a des compétences d'ordre plutôt réflexive. La réflexivité, on l'avait vu en tout début de cours, dans la première séance, c'est cette capacité à observer, en fait, ou à réfléchir sur une expérience pour en dégager une analyse critique. Par exemple, si vous posez dans votre premier entretien une question d'une certaine façon, que vous voyez que la personne en face de vous, c'est, même si vous pensiez que ce n'était pas une question choquante, visiblement, la personne, ça la choque, ou ça fait en sorte que sa réponse est assez abrupte ou peu détaillée, et que, en fait, il y a un terme qui pose problème. Faire preuve de réflexivité, ça veut dire que, justement, peut-être que le terme que vous avez employé, il est mal compris, vous le définissez d'une certaine façon, mais peut-être que votre interlocuteur ne l'identifie pas de la même façon. Je prends un exemple, mais quelqu'un qui ferait une recherche dans le domaine de la santé, et qui interviewerait des travailleurs sociaux, par exemple, ou des assistantes sociales, et qui utiliserait le terme de client au lieu de parler de patient, ou de membres ou d'utilisateurs ou usagers. Ces termes-là, ils ne sont pas neutres, en fait. Ils sont utilisés dans certaines politiques, dans certaines institutions plutôt que d'autres, etc. Donc, ils ont des connotations différentes. Et donc, si vous vous rendez compte qu'en utilisant un des termes, vous faites réagir la personne d'une certaine façon, peut-être alors que la réflexivité, c'est de dire « j'ai observé cette réaction quand j'ai utilisé ce terme-là ». Donc, dans le prochain entretien, je vais changer le terme ou je vais peut-être proposer, à travers mes questions, plusieurs termes pour voir ce que la personne elle-même utilise, en fait. Donc, en gros, quel terme est pour elle la meilleure représentation de ce qui constitue sa réalité. Donc, vous devez faire preuve d'attention, de compréhension et d'empathie. Vous devez donc être bienveillant et intéressé. Ça veut dire que tout ça, en fait, c'est une façon de dire que vous devez accueillir un peu, accepter de façon inconditionnelle ce que vous dit la personne, y compris si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Sauf si vous livrez un exercice particulier de recherche-action qui vise à faire changer l'avis des gens. Mais l'entretien de recherche qualitatif, il vise à connaître ce que les gens savent, pensent ou croient. Donc vous avez accepté cela. Oui, je voulais ajouter juste une chose par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, dans l'entretien, vous pouvez malgré tout, il y a quand même une technique. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre interlocuteur, l'idée n'est évidemment pas d'avoir une confrontation personnelle. Mais par contre, il y a une manière de neutraliser, enfin de poser des questions complémentaires en neutralisant, qui donne un petit peu le même effet. Vous pourriez dire, par exemple, votre interlocuteur vous dit quelque chose que vous trouvez tiré par les cheveux ou aberrant par rapport à ce que vous connaissez du monde social qu'il est en train de décrire. Vous pouvez très bien, sans dire, « Dieu, j'ai en train de me dire des conneries », vous pouvez très bien lui dire, « Tiens, selon ce que j'en sais ou ce que j'en pensais, votre opinion semble un petit peu étonnante. » Voilà, vous pouvez tout à fait, dans des relances, exprimer aussi que ce que vous entendez ne correspond pas à ce que vous pensiez entendre. Vous pouvez tout à fait énoncer que vous êtes un petit peu surpris par ces propos, sans en faire une confrontation, je dirais, de personne à personne, mais continuer sur un mode relativement neutre, à permettre quand même de creuser cette idée et de creuser une contradiction entre voilà, ce que vous imaginez du réel et ce que votre interlocuteur vous décrit. D'où l'importance d'être concentré. Pendant l'entretien, parfois, la personne, justement, comme on la laisse parler, elle commence à nous raconter des choses et puis notre attention se relâche un petit peu et puis la personne s'arrête et là, il faut se raccrocher un peu aux branches. Donc dites-vous que vous devez, à partir du moment où l'entretien commence, vraiment être concentré sur l'ensemble parce que c'est là où vous allez justement pouvoir rebondir sur un dernier mot, vous en rappeler ou justement peut-être faire remarquer peut-être une contradiction entre la personne, justement, s'il y a quelque chose qui vous étonne, vous avez remarqué, tout à l'heure, vous me disiez que, etc. Donc, il faut, c'est important de vous mettre dans cet état de concentration. Donc, rapidement, on l'avait dit la dernière fois, mais il faut que vous ayez vérifié les dimensions éthiques avant de conduire votre entretien, en particulier si vous visez des interviewés qui sont mineurs, ou des sujets un peu sensibles, délicats, lors de la vie privée, de la politique, de la religion. Essayez de prévoir aussi des conditions qui sont adéquates, des lieux plutôt calmes, peut-être qui respectent aussi l'anonymat de la personne, donc loin de son lieu de travail ou quoi selon ce qu'elle préfère. Vérifiez qu'elle est bien d'accord pour que vous enregistriez l'entretien. C'est plus facile en fait d'enregistrer avec votre téléphone ou à la limite avec un ordinateur pour après ça retranscrire que juste de prendre des notes. C'est plus simple pour vous. Pour retranscrire aussi ce que vous avez recueilli comme données, c'est plus simple de le faire directement, en fait, le plus tôt possible après avoir fait l'entretien. La mémoire est plus fraîche et alors vous allez vous rappeler que à telle phrase, la personne, en fait, elle est en train de grimacer ou elle regardait à côté, elle n'avait pas l'air à l'aise, etc. Parce que comme l'a dit Sylvie, tous les petits éléments non-verbaux sont aussi importants, ils disent quelque chose, donc ça doit figurer dans votre retranscription autant que possible. Et donc pour tout ça, être concentré, être à l'écoute, etc., il faut vous être familiarisé avec votre guide d'entretien, les fameux thèmes que vous l'abordez, les types de questions qui sont importantes pour vous. Pendant l'entretien, je n'y reviendrai pas, mais ça résume un petit peu ce que Sylvie avait dit sur les types de relances. le fait de, si la personne s'éloigne vraiment trop du sujet, vous la ramenez un petit peu en disant, et donc à propos de, etc., de façon bien sûr polie et respectueuse, et également donc toute l'idée de reformuler vraiment un peu à la manière d'un psychologue qui veut vous aider à développer ou à aller plus loin dans vos pensées. Donc essayez de résumer un peu la, ce que la personne vient de dire ou de commenter le fait qu'elle peut-être elle se sent mal à l'aise ou etc. pour l'amener à aller plus loin. Et également donc de respecter ces moments de silence qui peuvent se présenter parce que parfois c'est juste la personne qui est en train de peut-être mûrir une idée et qui va aller plus loin. Donc dans tous les cas, pensez à observer aussi quand il y a peut-être un désir de conclure hein, qui se fait sentir et quand vous voyez qu'il y a vraiment des redondances, donc des choses qui se répètent, ce qui veut dire qu'il y a une saturation en fait qui est en train de se faire. Ça, Sylvie en avait parlé la dernière fois, les fameux biais qui font que, en fonction du lieu où vous êtes, en fonction que l'enquêté a telle ou telle spécificité et que vous, vous avez telle ou telle spécificité, forcément vous influez en fait sur la situation, donc c'est une situation qui n'est pas neutre. Ce n'est pas un défaut que ces biais, en fait, ils font partie de la réalité d'entretien. Par contre, c'est là où il faut faire preuve de réflexivité et en être conscient. S'il y a un rapport hiérarchique, d'autorité, si vous êtes dans un lieu spécifique, etc., si la personne vient de vivre tel événement, forcément ça va jouer sur l'entretien. Donc vous devez en faire part. Et ce que vous devez penser aussi, c'est que quand vous prévoyez de faire des entretiens, il faut que vous comptiez dans le temps de réalisation que vous avez, en plus de recueil de données, la retranscription à faire et ensuite l'analyse du contenu à faire aussi. Donc ça, ça veut dire que vous devez le calculer, d'où le fait qu'on mène pas un nombre d'entretiens infini en qualitatif, qu'au contraire, on va privilégier la richesse et la profondeur avec quelques interviewés bien choisis de façon raisonnée, pour récolter le maximum d'informations pertinentes. Et pour finir, les focus group, on en avait glissé un mot aussi la dernière fois. Si vous avez à organiser en fait ce type donc, d'entretien de groupe en collectif, la majorité des techniques dont Sylvie a parlé, en particulier pour les relances, ou pour la manière de potentiellement en fait un petit peu souligner des contradictions, relativiser ou participer à l'entretien en fait à l'échange avec l'interviewé. Donc tout ça, ça reste valide. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des objectifs spécifiques et que c'est certaines questions de recherche qui vont vraiment nécessiter ce collectif, donc cette participation en fait de plusieurs personnes à l'entretien, et qu'alors à ce moment-là, dans les spécificités, vous allez avoir notamment tout le côté effet d'entraînement ou influence du groupe sur les opinions des personnes. Ce qui va faire qu'il va y avoir des leaders d'opinion qui vont émerger, par exemple, d'autres qui vont plutôt calquer leurs réponses sur certains, d'autres qui vont se braquer et donc jouer le rôle plutôt des opposants ou du rebelle, etc. Bref, il y a des figures en fait typiques que vous devez, dont vous devez tenir compte si vous faites ce type particulier d'entretien. Donc pour les focus group, rappelez-vous, il y a des techniques qui ressemblent à l'entretien de recherche, les précautions éthiques, etc. sont là aussi. Mais par contre, il y a ces spécificités de figure en collectif, de hiérarchie, de négociation des interactions qui vont jouer énormément dans la gestion du collectif et aussi dans l'influence sur les données. Donc, ici, on vous a mis deux citations pour boucler un petit peu sur l'entretien, pour poursuivre la réflexion sur le rôle que l'interviewé joue et aussi donc, sur le fait d'éviter cette fameuse naïveté méthodologique qui fait que, par exemple, quand on commence à interviewer, ben, on pense que l'intervieweur en face de nous, ça doit être un expert, il sait tout plus que nous, etc. Et qu'en fait, c'est vraiment sur le terrain qu'on se rend compte de ce que pensent les gens, de ce qui est important pour eux. C'est vraiment à eux qu'on donne la parole. Donc sur ces paroles, justement, on va prendre une petite pause et on va reprendre après avec donc, un exercice méthodologique complètement différent, mais avec des objectifs qui ressemblent un petit peu de compréhension, qui est une analyse de discours. Mmh. D'observer, de mieux comprendre. Est-ce que vous avez des questions sur l'entretien avant que je commence ou ça va? D'accord. Alors, ici, donc, le deuxième, l'analyse de discours que l'on va avoir maintenant s'inscrit également dans des objectifs de recherche et dans des perspectives de recherche qui sont qualitatives. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre des situations, des données, et non à vérifier des hypothèses, n'est-ce pas, ou à mesurer des faits. Donc on n'est pas dans la mesure ou la quantification, on est dans plutôt la qualification et la compréhension. Alors, autant l'entretien de recherche, on est dans un exercice, dans un outil de recherche qui est vraiment, en fait, généralement, donc en face à face, qui est fait d'interactions humaines. Dans l'analyse de discours, on est en fait dans des interactions, si on veut, mais entre vous, le chercheur, et des textes que vous avez recueillis. Alors, ça peut être du texte, par exemple, qui vient d'entretien, mais que vous allez analyser vraiment juste de façon écrite et ou retranscrite. Donc déjà, elle est dans une forme d'exercice complètement différente. Si, donc, autant vous dire tout de suite que le peu de temps qu'on a ce soir ne couvre pas l'entièreté de l'analyse de discours. Ce que je vous présente, c'est un petit peu les origines de ce type d'analyse, les objectifs et un peu les types d'application ou les grandes règles qui guident ce type d'analyse-là. Si, à l'issue de la présentation, vous êtes intéressé par ce type d'analyse, en fait, sachez qu'il en existe de très nombreuses formes et qu'en fonction des questions de recherche que vous posez, des types de textes que vous voulez analyser, il y a toutes sortes de bricolages ou de guides méthodologiques que vous pouvez utiliser. Donc, ce qu'on voit ce soir, c'est vraiment certains exemples en particulier. Ce que vous devez concevoir, c'est que ce que l'on appelle l'analyse de discours, ça découle en fait essentiellement, ou s'est rapproché plutôt d'analyse de type linguistique. Donc, autrement dit, on s'intéresse à des règles ou au fonctionnement de la langue, au fonctionnement du langage dans les textes. C'est l'analyse de discours, en fait, un courant qui a été développé essentiellement à la fin des années 60 qui s'est notamment développé en France. Est-ce que vous arrivez à bien voir ou c'est trop... D'accord, si vous reconnaissez les auteurs ? Oui, d'accord. Donc... vous allez voir justement peut-être des linguistes que vous connaissez ou des sociologues, etc., à travers les diapositives qui vont suivre. Donc, la linguistique est un peu la marraine de l'analyse de discours. Et en fait, lorsqu'on parle d'analyse de discours, on s'intéresse notamment à des dimensions qui sont proches de l'idéologie. Et donc, on essaye d'aller voir un peu, au-delà de ce qui est dit, quels sont les idéaux, les représentations, etc., qui sont véhiculés par les mots à travers les textes. Ce qui fait la spécificité de l'analyse de discours, c'est que, en fait, donc, vous concevez le texte, en quelque sorte, comme une sorte de trace qui représente ou qui réunit des informations sur un contexte, sur une personne qui a écrit. Cette personne qui a écrit, elle a écrit dans un certain justement contexte, avec certaines contraintes, elle traversait telle situation, elle représentait telle institution, etc. Donc en fait, il y a un emboîtement qui forment les conditions que vous allez étudier, les conditions du langage que vous allez étudier. Ici, donc, comme je vous ai mentionné, notamment comme auteur dont on rapproche souvent ou à travers lequel on conçoit l'analyse de discours, qui est Althusser, qui essayait donc de voir au-delà de ce qui s'écrivait, au-delà des textes, au-delà des discours qui nous entourent, en fait, quelles étaient les représentations idéologiques qui étaient véhiculées. Donc on est dans des systèmes de croyances, etc., qui font qu'on va définir une certaine situation d'une certaine façon et que ça va nous pousser à agir d'une façon particulière. Par exemple, je vais prendre un exemple médiatique, mais la réunion avec, entre un syndicat et des patrons va être définie comme étant soit une négociation, soit un bras de fer, soit une rencontre préliminaire, une discussion, etc. En fonction de ce cadrage qu'on aura utilisé, ou des termes qu'on aura utilisés pour définir la situation de cette rencontre entre syndicat et patron, on va induire qu'on est plutôt dans la critique, dans l'acceptation, etc. Et que donc, il y a une certaine, ça correspond ou pas à certaines valeurs, et donc à certaines idéologies, et donc on va en fait justifier qu'il va y avoir telle ou telle action. Que par exemple, il va y avoir une manifestation parce que justement c'est un bras de fer, que c'est voué à l'échec, que c'est une honte, etc. Ou au contraire, que ça, c'est une négociation qui est de bon augure, donc les employés vont reprendre le travail, etc., etc. Donc en fait, il y a cette idée de logique ou d'imaginaire aussi qui fait en sorte qu'on va étudier la langue et l'ordonnancement des mots pour voir, donc essayer de mettre en évidence un fonctionnement. Donc quelle est la logique entre les mots qui font que ça forme un discours, un type de discours particulier. Donc au-delà de cette préoccupation pour l'idéologie, il y a également dans l'analyse de discours une influence de la part notamment de la psychanalyse, c'est-à-dire notamment un questionnement sur l'état de conscience ou le niveau de conscience des personnes qui ont produit un discours. Dans quelle mesure est-ce que ce qu'on dit est intentionnel, est conscient ou peut-être dévoile une intention, un sentiment qui est de notre part inconscient. Et il va y avoir, donc il y a toute cette préoccupation autour de l'inconscient, en fait, qui est inspirée de, notamment des travaux de Lacan. Il y a également une conception du discours qui est influencée par les travaux de Foucault et qui est, en fait, ici reliée à la notion d'institution. Donc comment, par exemple, un texte qui est publié... un texte de présentation de journée d'accueil des nouveaux étudiants publié par l'ULB va porter des marques de discours qui vont être potentiellement différents d'un texte de présentation, enfin d'accueil des nouveaux étudiants qui serait publié à l'Université de Lyon ou à l'UCL ou etc. Parce que, en fait, dans la conception notamment de Foucault, en fonction de l'institution, donc de la nature de l'organisation institutionnelle dans laquelle on est, il va y avoir des types de discours, des types d'idéologies, des types de mots-clés, de priorités, de valeurs, etc., qui vont être exprimés. Pour ceux qui reconnaissaient les auteurs dans la diapositive d'avant, notamment Pécheux, Althusser, Minguenon, dans quel cours est-ce que vous les aviez Alistie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui les avaient vus dans d'autres cours de linguistique ou de sociologie? Juste pour... vous allez voir le nom de Minguenon revenir plusieurs fois. Quand on utilise l'analyse de discours en particulier pour un premier travail de recherche, c'est en gros un peu l'incontournable. C'est la référence à citer. Donc ça veut dire dans votre chapitre de méthodologie de votre mémoire, si vous choisissez l'annexe de discours, si vous vous appuyez sur Minguenon, c'est une valeur sûre. Donc, deux autres influences, comme je vous l'ai dit, psychanalyse et conception du discours de Foucault. Alors, Foucault, est-ce que ça, c'est un auteur que vous aviez déjà vu? Alors, qui a déjà travaillé sur des œuvres de Foucault dans des cours? Cours de sociaux, j'entends une femme. Si je devais demander à des personnes qui ont déjà entendu parler de Foucault, des mots-clés, est-ce que ça vous... Donc, retenez de Foucault, sur lequel on pourra revenir dans un cours peut-être ultérieur. Donc, c'est un sociologue français qui donc s'est intéressé notamment aux mots et aux choses, c'est-à-dire dans la façon dont on nomme notre réalité en fonction de l'influence des institutions sur nos discours, sur nos représentations. Donc, c'est un auteur qui est souvent utilisé, auquel on fait référence souvent lorsqu'on travaille notamment sur des contraintes institutionnelles, sur des relations de pouvoir, etc. Donc si vous êtes dans des questionnements de ce type-là, ça peut être un auteur qui pourrait vous être utile. Ce que vous devez retenir aussi, c'est que l'analyse de discours, c'est donc au départ vraiment concentré sur quels mots on utilise, est-ce qu'ils sont utilisés de façon consciente ou pas, quelles intentions ils portent et quelles traces ils portent de l'institution dans laquelle ils ont pris naissance. Et au fur et à mesure, donc ça c'était des principes qui ont été, qui figuraient dans les années, donc à la fin des années 60, au fur et à mesure, l'analyse de discours a pris de plus en plus en compte la dimension interactionnelle du discours, c'est-à-dire notamment l'influence du destinataire dans ce qu'on dit. Donc, ce qui signifie que par exemple, on va choisir tel mot plutôt que tel autre, parce qu'on pense que notre destinataire va mieux comprendre tel mot plutôt qu'un autre. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure que je donnais avec l'entretien de recherche, dans le milieu de la santé, on s'adresse à des travailleurs de ce milieu-là. Est-ce qu'on va utiliser le terme client, patient, usager, malade, etc. Ben, le choix de mot, il n'est pas innocent et il reflète que peut-être on peut dire que si on utilise le terme client, on est dans une perspective de l'entreprise néolibérale, ta. Si on utilise le mot malade, alors on présuppose que la personne souffre. Si on utilise le mot usager, alors peut-être qu'on est dans une perspective plus participative de la part des citoyens, etc., etc. Donc, tous les choix qu'on fait de mots, notamment s'adresse aussi à quelqu'un, et potentiellement donc cette dimension de l'interaction qui est prise en compte, ça veut dire que ça tient compte de l'influence réciproque que nos discours vont jouer, donc réciproque entre nous et un destinataire, ou entre un émetteur et un destinataire. Donc il y a, dans cette prise en compte de l'interaction, des formes de interdisciplinarité qui se sont nouées, notamment avec la participation d'ethnologues, de sociologues et de psychosociologues qui ont contribué aux travaux sur l'analyse de discours. On revient à notre ami Dominique Minguenot, qui est un auteur, comme je vous l'ai dit, solide dans le sens où, en plus, ses écrits sont particulièrement clairs. Donc vous pouvez y trouver assez facilement des définitions qui sont justement claires aussi à commenter pour vos mémoires si vous avez à travailler là-dessus. Ce qu'il faut, la façon dont on peut en fait résumer les objectifs de l'analyse de discours, c'est que c'est une analyse qui donc va s'intéresser en fait à des textes et en particulier qui va concevoir les textes au sens d'énoncé. Donc pour ceux qui ont déjà un peu peut-être abordé la linguistique, le terme énoncé, ça doit vous dire quelque chose. En fait, quand on parle d'énoncé, c'est une façon de faire référence à des séquences ou à des unités de sens qui vont faire en sorte qu'on va découper en fait le texte justement en fonction de ces unités, qui vont faire en sorte que, par exemple, dans un article journalistique, on va avoir, on va découper un paragraphe en trois énoncés, parce que le premier est, un fait, un rappel d'un fait qui est que l'accident sur l'autoroute machin a eu lieu hier. La deuxième phrase et une partie de la troisième concerne plutôt un rappel d'une situation antérieure qui est que depuis 2012, c'est le quatrième accident qui survient à tel endroit. Et qu'ensuite, il va y avoir, par exemple, toute la suite du paragraphe qui va être un énoncé numéro 3 qui appelle peut-être ou qui critique la politique de travaux publics ou de rénovation de la route ou d'aménagement urbain autour de cet endroit. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que ce qu'on appelle un énoncé, ce n'est pas forcément une phrase, au sens de quand on analyse la grammaire, par exemple, ou quand vous faisiez vos analyses dans des travaux plutôt de français, généralement on découpe la phrase et puis on voit bon, sujet, verbe, complément, etc. Et on tisse un ensemble de liens logiques entre les différents termes. Ici, donc, on va plutôt découper le texte en termes donc, d'idées en fonction aussi de ce qui nous intéresse, en fonction de notre question de recherche. Ce qu'il faut voir, c'est que donc, ce découpage d'énoncé, il va toujours être mis en rapport avec des institutions donc, qui vont contraindre l'énonciation, c'est-à-dire le fait d'énoncer, de dire une idée, qui fait que, par exemple, donc, selon qu'on énonce au sein de... Ben, on a donné une interview, alors le journaliste a écrit dans tel journal, il va plutôt adopter tel ton. S'il est interviewé rapidement à la radio dans la rue pour un micro-trottoir, ben, il aura choisi peut-être tel mot. S'il est en train de donner un cours, il va encore parler du même sujet, mais de façon différente. Donc il fait qu'en fonction du cadre institutionnel dans lequel on se trouve, on va utiliser des discours différents pour aborder un certain sujet. Ces énoncés-là, ils sont aussi inscrits dans ce que l'on appelle des phénomènes d'interdiscours, c'est-à-dire qu'on est toujours influencé par des discours antérieurs qu'on a peut-être lus ou qu'on a en tête, par les discours des autres, qui font que ben, on veut respecter par exemple les façons de voir des autres, ou on veut essayer de prendre en compte peut-être les discours potentiels de l'auditoire pour ne pas les choquer, pour les convaincre, et également donc par un phénomène d'interdiscours qui est qu'on anticipe aussi que ce qu'on dit va donner lieu par après à des commentaires, à de la récupération, etc. Donc il y a un phénomène aussi d'anticipation et d'ajustement de nos discours qui se font. Et que donc ces énoncés-là, ils vont fixer, c'est-à-dire porter la trace d'enjeux historiques, sociaux, intellectuels, etc. Les énoncés, en fait, en analyse du discours, les énoncés sont en fait des traces d'état de société pardon, à un moment donné. Les façons de nommer une situation, les façons d'y réagir sont vues comme des sortes en fait, d'archives sociales de moments donc, de société. Donc il est question, par rapport à l'analyse de discours, aussi de positionnement dans un champ discursif, c'est-à-dire que la personne elle va se positionner comme aussi se donnant le statut de professeur, citoyen, étudiant, élève, ami, etc., en fonction de la situation dans laquelle elle parle. Et ça, c'est quelque chose que va prendre en compte l'analyse de discours. Ces concessions-là, ces objectifs-là, ils font en sorte que en fait, le corpus, c'est-à-dire l'ensemble de textes que l'on va analyser pour sa recherche, il n'est pas vu juste comme intéressant pour lui-même, c'est-à-dire qu'on analyse les textes parce que ben, voilà, on veut analyser tous les textes qui sont parus sur le scandale Publifilm, par exemple, dans la presse belge, mais il est toujours vu plutôt comme il fait partie d'une institution qui est une entreprise, par exemple, médiatique, ou qui est un journal qui est censé être proche à l'origine de tel parti, ou au contraire opposé, qui appartient à telle famille ou à telle entreprise, etc., etc. Et que donc, cette institution, ici par exemple médiatique, fait en sorte que ça va définir donc certaines conditions d'exercice de ce qu'on appelle la fonction énonciative. Donc, en gros, le lieu où est publié le discours, ou le lieu où, est, où apparaît le discours, ça peut être, donc, comme je vous le disais, du discours recueilli en entretien, ces lieux-là, cette situation-là, va, quelque part, être une fixer des conditions qui font en sorte qu'on va développer plus ou moins ses idées, qu'on va les contredire, qu'on va les argumenter d'une certaine façon, etc. Donc, quand on s'intéresse à l'analyse de discours, on s'intéresse à des genres de discours et on s'intéresse donc aussi à ce qu'on appelle les champs discursifs. Les genres de discours, c'est les exemples qui sont donnés dans la deuxième citation ici de Malveneau. C'est par exemple donc des genres de discours à l'œuvre dans les secteurs de l'espace social, donc dans une école, dans un bar, dans un commerce, etc., qui font qu'il y a des façons de parler, il y a des types de discussions, il y a des types de discours qu'on va plutôt trouver dans des lieux plutôt que dans d'autres. Et on s'intéresse aussi au champ discursif, au sens de, par exemple, la politique, le discours plutôt scientifique, etc. Donc, il y a un intérêt en analyse de discours pour essayer de voir quelles sont les conditions, en fait, qui rendent possible des stabilités de langage, qui vont faire en sorte que, dans tel bar, ou quand on est à l'école, on va plutôt choisir tel mot plutôt que tel autre pour définir une situation. On va donc, dans telle institution, dans tel ministère, on va utiliser le mot patient plutôt que client. Dans tel autre pays, on va utiliser l'inverse. Donc, lorsqu'on s'intéresse à l'analyse de discours, essayer de trouver donc des typologies, c'est-à-dire des registres qui vont caractériser certains discours. Ce qu'on veut voir, en fait, c'est ce que vous trouvez ici à la toute fin de la deuxième citation, des types discursifs qui font que, par exemple, on va aller repérer des figures de style. On va aller essayer de voir, par exemple, des traces d'ironie, des traces de colère. On va étudier des textes sous l'angle de l'utilisation de l'autofiction, par exemple. Où on va utiliser, on va analyser le discours journalistique en essayant de retrouver des codes du journalisme littéraire. Donc on va vraiment s'intéresser aux spécificités du discours pour essayer en fait de comprendre le fonctionnement des mots qui sont utilisés, des descriptions du réel qui sont publiées ou qui sont déclarées. Donc, on fait attention à, aux constances, finalement, du discours, à ce qu'on appelle les invariants du discours, pour essayer de trouver des registres, pour essayer de trouver des types de discours, de les caractériser, de les définir et de les décrire. Et on va également faire attention, du coup, aux turbulences, c'est-à-dire à ce qui change. Puisque ce qui est important dans l'analyse, c'est d'essayer de trouver donc, des espèces de règles qu'on va, qui traversent en fait, un petit peu les discours. Exemple, on s'intéresse au genre de la critique culturelle. On s'intéresse au genre de la critique culturelle théâtrale. Et là, on va voir que de façon systématique, en fait, ce type de texte utilise, par exemple, deux premiers paragraphes qui sont formés de ça ou ça, qui a toujours à peu près mention de qui a fait les costumes, les éclairages, etc., qu'il y a forcément, à un moment donné, une citation d'un auteur ou d'un autre critique, ou au contraire, pas du tout, et là, on va essayer de... Donc, ça va nous décrire un petit peu quel est ce genre discursif qu'on appelle la critique culturelle théâtrale, mais ce qu'on va essayer, du coup, d'observer, c'est de voir quelles sont les turbulences ou quelles sont les variations qui sont présentes dans les textes. Qui va faire en sorte qu'on va pouvoir, par exemple, voir comment un auteur, un critique, justement, au fil de sa carrière, va peut-être changer son écriture. Ou que, parce qu'à un moment donné, il a changé de journal, que les contraintes de format n'étaient pas les mêmes, que le temps de travail n'est pas le même, mais du coup, il n'écrit plus pareil, ou il parle moins des artisans qui ont participé au spectacle, etc. Ou alors, il va argumenter sa critique avec des éléments qui sont différents d'avant, qui sont moins nombreux, etc., etc. Donc, attention aux constances et attention aux, aux turbulences, aux variations aussi présentes dans les textes. Ici, j'ai parlé dans les deux points en fait, qui apparaissent sur le diapositive-là, de proposition ou d'énoncé. Donc l'énoncé, je l'ai spécifié un petit peu plus avant sur, sur à partir de donc une séquence ou une unité d'idées qui concerne un sujet donné. Ici, en fait, le terme proposition, il fait référence à des propositions argumentatives. En gros, c'est on avance une opinion, on affirme quelque chose. Parce que donc dans l'analyse de discours, comme on va y revenir un petit peu plus après, il y a donc on peut porter attention à toutes sortes de choses dans la langue, et notamment à l'argumentation ou à la façon dont l'argumentation est construite. Et notamment aussi, par exemple, une proposition argumentative, on va essayer de voir dans l'analyse de discours sur quoi elle s'appuie. Donc, quels sont les faits, par exemple, qui sont cités à l'appui de ce qui va être dit, quels éléments sont cités comme étant des garanties que ce qu'on avance, c'est une prise de position qui est correcte ou qui est la bonne. Bref, comment justifier, en fait, l'argument, donc la proposition argumentative que l'on va faire. Et en fait, l'idée, ça va être donc de, dans l'analyse de discours, toujours de mettre ça en regard, en perspective, avec des conditions d'exercice. Donc il faut en sorte qu'on va argumenter d'une telle manière selon la situation de communication dont on se trouve, et qu'il va y avoir donc une hiérarchie, par exemple, d'arguments qui vont être utilisés, ou qu'il va y avoir donc certains termes qui vont être utilisés plutôt que d'autres, selon aussi ce que l'on appelle la situation d'énonciation. Donc, dans l'analyse de discours, on peut prêter attention à un nombre très vaste d'éléments. Je vous en cite ici trois, mais comme vous voyez, je viens de vous citer juste avant l'argumentation. On peut s'intéresser, par exemple, à la syntaxe. Donc à la façon dont on va construire sa phrase, qui fait que par exemple, dans un texte où on étudie par exemple la présentation de soi sur les médias sociaux, et là on peut remarquer, on peut observer que sur les médias sociaux, on rédige beaucoup en utilisant des tournures verbales. Exemple, assister à un cours de 18h à 20h, dormir 4h et réviser son examen pour le lendemain. Donc, ça, c'est en soi l'utilisation de la manière d'écrire ou de se présenter sur certaines plateformes a fait en sorte que l'on a créé ou qu'un genre discursif en fait, particulier s'est développé. Ça peut être la façon de parler de soi, par exemple, à la troisième personne. Ça va être le fait qu'on va utiliser beaucoup de pronoms relatifs ou que l'on va construire sa phrase avec beaucoup de virgules, beaucoup de parenthèses pour rajouter des détails parce que peut-être on n'est pas, on veut nuancer son propos, on n'est pas sûr de soi ou alors on essaye de prendre des précautions. On peut aller vers le côté aussi davantage du lexique et des champs lexicaux qui vont faire par exemple que l'on va essayer de repérer dans un article ou dans des propos d'entretien que l'on a recueillis. Le champ lexical, par exemple, de la santé, de la famille, de l'amour, de la mort, de la richesse, de l'économie, de la finance, etc. etc. Donc, tous ces indices-là vont encore là être mis en rapport avec un certain contexte pour essayer de comprendre pourquoi ce sont ces mots qui ont été choisis et est-ce qu'ils portent des intentions, et on va les mettre en rapport avec le reste du discours qui les entoure. On va également donc prêter attention aussi à des éléments sémantiques, donc c'est-à-dire au sens qui est donné à travers les mots utilisés. Est-ce que en fait on utilise une tournure, une phrase dont bout à bout, en fait, les mots semblent dire que c'est une affirmation, alors qu'en fait, il y a de l'ironie dont on se rend compte et que finalement, la phrase veut dire le contraire des mots qui sont écrits. Donc, on décrypte aussi les intentions potentiellement que porte le discours, et ici donc on s'intéresse davantage à des aspects sémantiques, donc au sens, aux objectifs de sens des mots. Comme je vous le disais, dans tous les cas, en fait, une des mécaniques générale de l'analyse de discours, c'est qu'on va mettre en rapport les discours entre eux pour essayer d'en dégager les ressemblances et les singularités. Je vous l'ai dit au départ, on est dans une perspective qui est essentiellement qualitative. Donc on ne cherche pas à compter, on ne veut pas forcément voir des pourcentages ou quoi. Ce n'est pas impossible de le faire, ce n'est pas toujours inutile, ça peut vous servir à illustrer des choses, mais ce n'est pas l'objectif, et surtout, l'objectif ce n'est pas de vérifier des hypothèses, c'est plutôt de mieux comprendre en fait une réalité et d'essayer de catégoriser, de décrire de façon originale des situations, d'énonciations et donc des registres ou des types discursifs. Ça veut dire que c'est un exercice aussi qui fait appel un peu à la créativité parce qu'on va vous demander de qualifier des discours, de trouver des synonymes, de repérer vraiment des choses assez fines du texte. Donc généralement, quand on est dans l'analyse de discours aussi, on ne cherche pas à travailler sur un corpus immense, sauf quand on est dans une thèse de doctorat et qu'on peut utiliser des logiciels, etc. On va plutôt essayer de réduire un peu la masse de textes sur lesquels on travaille pour aller plutôt donc, en profondeur sur les textes. C'est un peu la même logique que pour l'entretien de recherche, où on ne va pas forcément essayer de faire 70 entretiens, mais plutôt d'en avoir 7 avec des personnes vraiment pertinentes. Donc, dans les courants l'analyse de discours, on trouve vraiment toute une panoplie de courants existants. Ici, je vous en ai cité 3 avec lesquels vous pouvez avoir affaire si vous vous inscrivez dans ce type d'exercice-là. On trouve d'abord ce que l'on appelle l'analyse conversationnelle. C'est-à-dire, ici, on est vraiment dans une analyse qui tient compte de qui s'intéresse essentiellement à l'interaction. C'est un type d'analyse donc, qui est inspiré notamment de Goffman, de tout ce qui est interactionnisme symbolique, où on veut aller voir les conversations du quotidien. Donc, par exemple, on va aller au CAF-CAF et on va observer le type d'interaction qu'il y a entre les personnes qui vendent les sandwichs et les couleurs, et en fait les personnes qui payent. Et là, on va essayer de voir... Le CAF-CAF, vous savez ce que c'est? C'est le nom couleur, vous ne savez pas. C'est ça, parce que je ne l'ai peut-être pas bien prononcé. C'est les cocktails de fruits qui sont faits. C'est pas comme ça qu'on dit, hein. Smoothie, voilà. Mais c'est marqué couleur sur leur menu. Bon, en tout cas, moi, c'est toujours couleur, donc en fait, ça veut dire que... Justement, ils font peut-être un effort de réduction de la distance sociale. Ils sont gentils, ils me comprennent, mais vous remarquerez, dans le menu, c'est sandwich plus C-O-O-L-E-R. Ah, vous ne prononcez pas ça pareil. Okay. Et vous dites ça, non ? Vous dites pas du coup. Bon. Ok. Bon, les jus de riz, très pressés. Ben justement, voir par exemple comment des étudiants ou des employés étrangers vont prononcer ce mot et voir que les gentilles personnes qui travaillent là restent impassibles, les servent de façon tout à fait naturelle, ce qu'on leur demande, ou qu'au contraire, ça rigole à côté et que quelqu'un finit par vous dire « c'est pas comme ça qu'on dit ». Mais tout ça, par exemple, ça peut s'analyser en analyse conversationnelle. Et on va justement aller voir, un peu comme dans l'entretien, les moments de rire, de sourire ou de petits encouragements qui vont être donnés, qui vont faire en sorte qu'on va choisir tel mot plutôt que tel autre, que ça va potentiellement influencer le discours qui va être tenu d'un côté de l'autre du comptoir. Donc ça, c'est une analyse conversationnelle au sens où on fait vraiment attention aux interactions et à l'influence réciproque, en fait, donc aux effets d'ajustement du discours. La deuxième forme d'analyse, c'est l'analyse argumentative. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Ici, on va voir plutôt comment une proposition argumentative va être justifiée. Donc, quels sont les éléments que les locuteurs vont choisir pour essayer de renforcer leur proposition, essayer de faire en sorte qu'elle a l'air meilleure que les autres. Est-ce qu'on, par exemple, on va utiliser des arguments d'autorité en disant ce que je viens de dire, Aristote l'a déjà montré il y a plusieurs centaines d'années. Et on s'arrête là. En fait, comme il y a eu le mot Aristote, on se dit que ça suffit pleinement à nous donner raison. Ou au contraire, est-ce que je vais utiliser des arguments qui sont plutôt des sophismes, donc des formes de raisonnement un peu ou de généralisation abusive qui partent de ce principe que, par exemple, ce soir, les étudiants ont ri à mes blagues, donc je pense que je vais faire un stand-up comique l'an prochain dans mon cours, c'est une bonne idée. Donc là, on est en fait dans une argumentation qui est une généralisation abusive à partir d'un certain fait. Ici, en fait, tout l'enjeu de l'analyse de discours, ça va être de voir ce que l'interlocuteur, l'énonciateur, a mis en avant pour donc essayer d'appuyer son idée. On utilise notamment cette analyse argumentative beaucoup dans tout ce qui concerne la communication politique. Donc, pour essayer de voir comment, notamment, il y a des effets de contre-arguments qui sont faits et utilisés entre des candidats, par exemple, entre des opposants de parti, pour aussi se distinguer et essayer en sorte d'être original et en même temps d'avoir l'air crédible et légitime dans ses affirmations. Un troisième courant est ce qu'on appelle l'analyse sociocritique. Alors ça, c'est un courant qui a été développé plutôt dans les années 70, qui est inspiré en particulier de l'école de Francfort, donc Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc., et qui, en fait, donc, va porter attention, alors un peu, là, on revient au début de mon propos à Althusser, l'idéologie, essayer de dévoiler, en fait, l'imaginaire collectif et le poids des institutions aussi sur les acteurs. On est dans des préoccupations, quand on est dans la sociocritique, sur comment les institutions, comment les systèmes dans lesquels on est, influencent et conditionnent, en fait, nos discours. Donc ici, on va regarder le langage de la même façon. Peut-être on va regarder la syntaxe comme l'aurait fait l'analyse conversationnelle, mais avec un objectif qui est d'essayer donc de révéler finalement le conditionnement du discours par des systèmes politiques dans lesquels on est, par exemple. Donc, pour un peu bilan de cette présentation générale de l'analyse de discours, ce que vous devez retenir, c'est que l'analyse de discours, donc objectif essentiellement qualitatif, démarche compréhensive. On s'attache à l'articulation, c'est-à-dire aux règles qui permettent la mise en mouvement de ce qui constitue l'ossature, en fait, c'est-à-dire le langage. Donc qu'est-ce qui fait bouger le langage? Qu'est-ce qui fait qu'il permet, il entraîne une conversation, il justifie des phrases, des énoncés, etc., successifs? Donc articulation entre l'énonciateur, celui qui donc énonce, profère une idée, un avis, une opinion, un élément de discours quel qu'il soit, avec donc un certain lieu social, ce qui inclut aussi le moment auquel on parle. Et donc le texte, dans cette conception-là, c'est en quelque sorte la conclusion ou la manifestation d'un lieu. Donc ici, le lieu, ce n'est pas à prendre au sens physique de la classe, mais bien plutôt dans un sens social de la classe du cours X à l'ULB en 2017, à ce moment-ci, avec tel objectif, avec telle politique qui nous entoure, avec donc tout un ensemble de contraintes aussi avec lesquelles nous devons tous jouer en tant qu'acteurs sociaux. Deuxième élément, c'est que donc, dans le texte se manifestent donc les conditions de déploiement du discours. C'est-à-dire que donc le texte est, comme je vous le disais, en fait porteur de traces de ce qui caractérisait le lieu dans lequel on était. Parce que j'ai utilisé des trois petits... Parce qu'on trouve des trois petits points à un moment, ça veut dire que peut-être dans telle interview ou quoi, la personne ne pensait pas avoir le droit de dire certaines choses, préférait laisser planer un doute, etc., etc. Et que donc, il y a également une prise en compte des interactions, donc d'influence, entre la personne qui dit, l'origine, l'auteur du texte, du discours, et potentiellement donc des discours antérieurs ou des discours qu'elle imagine qui pourraient donc lui être opposés ou pas et contre lesquels elle contre-argumente. Donc on est dans ce qu'en linguistique et dans les recherches plus à partir des années 60, donc on a appelé le grand projet de l'étude du discours, c'est-à-dire donc en fonction du contexte, on allait utiliser, il allait avoir des règles qui font qu'avec tel contexte, il y a plutôt tel type de discours qui se développe. On fait appel à tel type de syntaxe, à tel type de vocabulaire, etc., etc. Mais donc, à la différence de la linguistique, on n'analyse pas juste le texte pour soi pour trouver comment une langue fonctionne, qui fait qu'il y a le subjonctif, le conditionnel, etc., qui existe, mais plutôt toujours en lien avec donc, cette situation sociale, et que donc on cherche vraiment cette articulation entre énonciation et lieu social. Vous avez ici en bibliographie écrit en minuscules, mais agrandissables sur vos écrans, des références bibliographiques qui reprennent en partie les références de la semaine passée sur l'entretien de recherche, mais également des références sur l'analyse de discours, que ce soit pour l'un ou l'autre. Pour vos TPM, pour vos travaux ici, vos TPM, puis vos mémoires, ces références bibliographiques, pensez à les utiliser. C'est vraiment des outils, en fait, pour vous, y compris dans vos mémoires. Si vous avez à choisir parmi les différentes techniques qu'on va vous présenter ici dans le cours, elles sont là pour vous permettre de justifier, en fait, le recours que vous en faites. Donc, pensez, démarche scientifique, explicitation, justification, c'est là pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur l'analyse de discours, envie d'en parler plus un même soir à 20h? Bon, alors, ça fait le point pour ces deux techniques, une méthode qualitative plutôt pour ce soir. La semaine prochaine, on va passer au quantitatif, donc à des choses complètement différentes, mais avec lesquelles vous allez pouvoir faire des liens en contraste. Si vous avez des questions ou autres concernant le travail, etc., donc écrivez à Cassandre, qui s'occupera aussi de nous transmettre les questions auxquelles elle peut paraître. Bonne soirée et à vendredi ou à la semaine prochaine. Oh, vous avez fait